mer s'ouvre comme une lame. Des dunes aux océans de Sea of Thieves. Chaque pas résonne, chaque souffle commande. Et pièges cachés, le bois craque, la pluie tombe, ennemi épié. Raiders qui l'avancent, maître des repères. Chaque tir, chaque plan est calculé avec lumière. La forêt l'observe, mais c'est lui qui contrôle. Chaque bruit, chaque mouvement devient rôle. Chaque toile opportunité. Raiders qu'il trace, chaque action devient l'égalité. La stratégie s'écrit dans les ombres urbaines. Chaque regard et chaque geste pèse dans la scène. Conquête et chaos, Raiders qu'il guide des mers aux dunes. Chaque monde se plie, base, navire, marché et ruelle. Chaque victoire claque. Chaque aventure appelle, nos voix s'élèvent, épique et marquée. Chaque pas, chaque plan, légende gravée. Sea of Thieves, brouillard épais, navire silencieux. Chaque voile, chaque cri devient dangereux. Raiders qu'il infiltre, sabre et pistolet prêt. Chaque ennemi surpris, aucune chance donnée. La furtivité danse avec la stratégie. Chaque attaque et chaque retrait, une symphonie. Wild West, supermarket, coin sombre, chaos maîtrisé. Cible isolée, mouvements synchronisés. Raiders qu'il observe, planifie, frappe avec précision. Chaque allié suit, aucune erreur, aucune omission. Le danger rôde, mais la maîtrise domine. Chaque assaut devient victoire, chaque pas signe. La tension monte, le monde retient son souffle. Chaque univers tremble, chaque défi s'essouffle. Raiders qui avance, maître de chaque assaut. Le chaos est contrôlé, chaque victoire est beau. Conquête et chaos, Raiders qui guide des mers aux dunes. Chaque monde se plie, base, navire, marché et ruelle. Chaque victoire claque, chaque aventure appelle. Nos voix s'élèvent, épique et marquée. Le chaos s'efface, conquête.